Hello, hello, il est 21h sur 89.5 de Radio Dio et c'est Boogie qui va commencer en laissant tourner le générique. Et oui, nous sommes mercredi soir et donc c'est Boogie qui commence. Je suis bien entouré ce soir. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi. Bonsoir oui. Pascal. Le retour de Muriel. Muriel. Coucou Muriel, coucou Véro en régie. Salut David. Salut. Très, très salut. Content de vous retrouver pour deux heures de blues and rock and roll. On va commencer tout de suite, on fait une petite introduction. Oui, simplement, on devait faire une spéciale autour de B.B. King. Voilà. Il se trouve qu'on devait faire ça autour de l'album de Joe Bonamassa qui fête les 100 ans de B.B. King avec de nombreux guests. Je ne l'ai reçu qu'hier, donc je n'ai pas pu l'écouter. Et je préfère commencer par un extrait d'un album de B.B. King et cette spéciale, si tu veux bien, David, on la fera plus tard. On la reportera à une émission ultérieure. Voilà. Et voilà. On va commencer cette émission justement avec B.B. King qui aurait eu 100 ans. Un album qu'il a enregistré en 2006 et produit par T-Bone Burnett. Un album où il revient un peu aux sources de sa musique et qui s'appelle Kind of Favor. Et on va écouter un morceau qui s'appelle See That My Grave Is Kept Clean. C'était un grand standard du Texas Blues et particulièrement de Blind Lemon Jefferson, dont nous reparlerons tout de suite après ce morceau. On commence avec le roi, Memphis, B.B. King, le Mississippi. See That My Grave Is Kept Clean. Thank you. grand sein, tu couches en latin. I got a good grand sein, couches en latin. Mama, if you don't quit couching, you're gonna lose your mind. I can't count the time. Want your lover, you better put it to your side. I say you want your baby, put it to your side. And you flag my train, probably never saw let it ride. My heart gone crazy. Excuse me, mama, for knocking on your door. Well, excuse me, mama, for knocking on your door. My mind don't change, I love it like yeah, no more. Oui, nous avons tenu à commencer directement par B.B. King et enchaîner avec Lemon Henry Jefferson, plus connu sous le nom de Blind Lemon Jefferson, qui est une influence majeure du roi B.B. King, donc, qui est né au Texas en 1893 et mort à Chicago en 1929. Donc c'est une légende du Texas blues et du style. On entend bien ici les walking bass et le jeu au note à note. Alors, dans sa carrière, elle a commencé à jouer dans le quartier de Deep Ellum. C'était le quartier Craignos de Dallas, au Texas. Alors, il a joué avec Led Belly jusqu'à ce que ce dernier se fasse incarcérer pour meurtre. C'est vrai que oui, c'était un assassin aussi. Voilà, il a joué avec Joss White, Lightning Hopkins et T-Bone Walker, dont nous parlions il y a deux semaines. Et il commence à enregistrer pour Paramount en 1925. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il n'y a que les nanas qui enregistrent du blues, ce qu'on appelait les classical blues singers. Donc, c'était un des premiers hommes à enregistrer réellement du blues. Et le premier 78 heures tour qu'il sort, c'est Dry Southern Blues, et qui sera suivi par Booster Blues. Et c'est tout de suite un gros succès, c'est un gros vendeur de disques, Blind Lemon Jefferson. Il amassera pas mal de dollars, et il enregistre une centaine de faces enregistrées. Donc il y a Corinna Blues, Easy Rider Blues, Hot Dog, Broken and Hungry, le morceau que nous avons entendu de B.B. King, See That My Grave Is Kept Clean. Et à la fin de carrière, il enregistre deux morceaux pour OK. Donc c'est That Black Snake Moon et Matchbox Blues que nous venons d'entendre. Voilà, un grand monsieur du blues, du Texas blues. Il a un succès incroyable, il amasse pas mal de dollars, et je vous propose d'écouter un deuxième morceau de ce grand monsieur du blues, de ce génie qui est Blind Lemon Jefferson. Le morceau s'appelle Black Snake Moon. Told me late last night, you don't need no mama no how. Black snake crawling in my room. Black snake crawling in my room. And some pretty mama had better come in. Get this black snake soon. Oh, that must have been a bad bug. You know a chain can't bite that hard. the bed bugs, you know a change came by that hard. Asked my baby for 50 cents. She said, Lemon ain't a child in the yard. Mama, that's all right. Mama, that's all right for you. Mama, that's all right. Mama, that's all right for you. Say, baby, that's all right. Hold it your way, you do. What's the matter now? Honey, what's the matter now? Tell me what's the matter, baby. I don't like no black thing, go now. Well, wonder why the black stay gone. Lord, that black stay, mama, to run my darling home. Oui. En quelque sorte, la première star du blues, Blind Lemon Jefferson, qui a eu une mort affreuse. Il se trouvait à Chicago en plein hiver. Alors, c'était une barrique à whisky, le mec. Hein, il buvait pas de Dobinette. Il paraît. Est-ce qu'il est mort aussi dans la pauvreté la plus... Pas du tout. Il est mort d'une crise cardiaque, en plein succès d'ailleurs. Et il est sorti d'un club de Chicago, c'était en plein hiver dans le blizzard. Et il était aveugle, hein, Blind Lemon Jefferson. Mm-hmm. Et il s'est perdu dans le blizzard et il est mort comme ça d'une crise cardiaque. Alors, il y a une autre version qui dit aussi que il attendait son chauffeur parce qu'il avait assez de thunes pour se payer un chauffeur et que le chauffeur n'est jamais venu et que bourré comme un coin, il est tombé raide mort dans le froid et la neige de Chicago. Voilà, Blind Lemon Jefferson, c'est une influence majeure du blues. On pense quand même que Robert Johnson a enregistré près de 10 ans après. Quoi. Ouais, ouais. Donc voilà. Ces mecs étaient vraiment les précurseurs. Et voilà, précurseurs du Texas blues. Et on aime la diversité à Boogie, David, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Et on va repartir maintenant au 21e siècle avec un extrait d'un concert de Anna Popovic. En Italie. Qu'on a souvent diffusé dans cette émission. Oui, puis que tu apprécies pas mal. Que j'apprécie beaucoup, ouais, que j'appelais fut un temps ma femme ou ma future femme. C'est ça. Hélas, j'ai pu la rencontrer, mais ce ne fut que des moments brefs de concert. Voilà. Et je regrette beaucoup de ne pas pouvoir l'avoir interviewée en 2017 où je me suis lâchement... Maîtrisant très peu et très mal l'anglais, je me suis lâchement débiné. Bah, voilà. Je l'ai rencontré au Sales Blues, dont on parlera tout à l'heure, une personne très avenante, très très sympa. Et très sympa. Anna Popovic est serbe, elle a appris la musique avec son papa. D'ailleurs, elle a sorti un disque avec son père plus tard. Ouais, elle a une histoire qui n'est pas commune. Elle, elle a immigré en Allemagne. Elle a enregistré des albums pour Rough Records au début. Je ne sais pas si tu te souviens, Dab, c'était des gros albums de blues rock. C'est ça, qui, ouais. Personnellement, me laissaient froid. Ouais, c'est vrai que c'était un petit peu... Elle faisait ses armes et c'était un petit peu la caricature de ce qu'elle fait aujourd'hui. En partant aux États-Unis, elle a travaillé avec des Américains et sa musique s'est vraiment élaborée dans une espèce de rhythm and blues. Et elle est partie aux États-Unis en suivant son père. Hein. Oui, et son espèce de rhythm and blues avec très très varié. Elle a sorti l'album Trilogy, voilà, qui lorgnait du côté du jazz aussi. Et là, donc, c'est un live que j'avais trouvé sur son stand de merchandising qu'on ne trouve pas facilement, donc en Italie. Et on va enchaîner deux morceau d'Anna Popovic. Enfin, juste peut-être ajouter qu'elle est devenue aussi une guitar woman hero, je ne sais pas comment oui, dire. Oui, avec Joan Sean Taylor. Voilà, considérée comme telle, avec aussi je ne sais plus comment elle s'appelle, Samantha Fish. Exactement. Elles sont toutes les trois devenues des vrais guitar heroes. Voilà. Puis son jeu s'est amélioré en travaillant aux États-Unis. Sa musique, c'est enrichi, on va dire ça comme ça. Et je vous propose Let Me Love You Baby et qui sera suivi par Doubt Everyone But Me. you, darling, that's all I've ever thinking of. Let me love you, baby, yeah. Let me love you, daddy, now. Yeah, let me love you, little baby. Let me love you, baby, yeah. Let me love you, darling, till your good love drive me crazy. We'll be right back. are the kind of love. And you abandon your faith in me. And worthy your trust, I won't ever be. Baby, doubt everyone but me. Some say I won't ever learn to know you're good. Some say I can't even know the way you feel. Yeah, some say I won't love you right. Baby, doubt everyone but me. Eh ouais, Anna Popovic sur le 89.5 dans Boogie. Encore des styles bien différents. Hein. C'est pour ça que j'ai choisi ces deux morceaux. On a le côté shuffle blues électrique et ce petit côté jazzy qui est très très agréable. En plus, elle chante très très bien. Donc elle a vraiment enrichi sa musique depuis ses albums, les albums de ses débuts. Et sa façon de chanter. Voilà, cet album n'est pas évident à choper, quoique maintenant avec Internet, on peut tout se permettre. Donc il s'appelle An Evening at Trasimeno Lake, c'est en Italie. Et elle est avec Anna Popovic Band, donc qui comprend Ronald Junkers, Michele Paradia, Andrew Blaise Thomas, Cristiano Arcelli, Riccardo Giuletti, Sandra Laville et Stéphane Avellaneda. Ça sent l'Italie tout ça. Ouais, ah oui, oui. Les deux. Complètement, oui. Musicien. Voilà, donc vous pouvez, et le label si vous voulez, voilà, bon, c'est Artist X Exclusive, et c'est un petit label, mais il vaut le coup vraiment pour cette diversité que propose Anna Popovic, vraiment une grande, grande dame du blues. Ouais, carrément, on n'a pas d'infos de ce qu'elle fait en ce moment, si elle prépare quelque chose, si elle va être en tournée. Ouais, il suffit d'aller sur les réseaux, je pense, oui, voilà, sur Blues Magazine. Ouais, ouais. Nous, on a un petit peu lâché, c'est vrai. Mais c'est l'actualité de madame aussi qui fait que, parce qu'à chaque fois qu'elle est dans le coin, on va la voir. On va la voir et on n'hésite pas à en passer dans Boogie. Eh ben on continue, il est 21h33 sur le 89.5. David, je te laisse la main. Ouais, moi je voulais revenir, on se rappelle tous de notre émission de 5 heures et plus. Hein, 5h30 d'antenne. 5h30 d'antenne. L'émission de Noël. C'était notre émission de Noël, on avait des invités, on avait bien rigolé. Et moi je me rappelle que Gérard nous avait fait découvrir Carrie Murin, un artiste amérindien, un autochtone comme on dit. Et je suis complètement tombé sur le charme sur le disque Tiny Town, l'album de 2015. Qui m'a laissé complètement scotché, que j'ai écouté, réécouté chez moi. Et je me suis dit, mais comment t'as pu passer à côté de ce type ? Comme souvent ça le fait, hein, on découvre des artistes tardivement. C'est ce qui est bien, c'est le partage. Complètement. Voilà, le partage entre amis, tiens, écoute ça, ouais, moi j'ai ceci. Et on découvre des choses sensationnelles. Et moi, en 25 ans de Boogie, je n'aurais cessé de, de m'améliorer, de connaître des artistes dont j'avais même pas... Toujours rester humble. Et complètement, et c'est ça. Et ben, l'humilité, c'est carrément ce qui caractérise le bonhomme. Il est amérindien, donc je l'ai dit, autochtone. Il revient souvent dans ses textes. Il écrit souvent du point de vue des personnages autochtones issus du quotidien. Voilà, ce que sont devenus ces gens, pourquoi ils se sont fait massacrer. Lui-même, il est issu de la réserve des Crow, qui était une tribu. Et sa façon de jouer est caractéristique. Il pratique le finger-picking. Et il pratique un blues acoustique très rural, il a une voix brute et très authentique. Il fait partie du mouvement musical qu'on appelle aux États-Unis le Native Americana, voilà, qui sont souvent des gens issus des minorités et qui arrivent à raconter leur histoire. Oui, on peut retrouver ce genre d'artiste sur la Music Makers, les personnes qui faisaient la Music Makers sur Alligator, sur Dixie Frog, où il y a des disques qui concernent uniquement les Amérindiens, donc qui jouent le blues ou de la musique empruntée au blues. Il ne faut pas oublier qu'une nation comme les Cheyennes, par exemple, abritait les esclaves noirs quand ils se sauvaient des plantations. C'est vrai. Alors là, il y avait une certaine Muddy Waters, il est issu de sang indien aussi, et noir. C'est bien raconté chez ces artistes dont tu parles. Et moi, je ne m'imaginais pas à quel point le blues et ces tribus autochtones pouvaient être liés par la musique très rurale, et aussi par l'histoire des États-Unis, tout simplement. Exactement. Et on va écouter donc un morceau, je pense. Ouais, on va écouter le premier morceau, on en reparlera peut-être un peu après. On va écouter Angels and Devils. I hear the sound of an angel singing to me. Singing to me. The warmth of the sun pouring down on me, pouring down on me. Love and forgiveness, it's all I see. It's all I see. Listen to my song, listen to my song. I'm hopeful as the day is long, hopeful as the day is long. I feel I've been led astray, I pray, I fear I have been led astray. In my head, I fear I've lost my way. I fear I have lost. lost my way. From the pathway to the light, from the pathway to the light. Listen to my song, listen to my song. I'm hopeful as the day is long, hopeful as the day is long. I feel I've been led astray, I pray, I feel I have been led astray. Cette voix mélancolique, très douce, et ce jeu de guitare, je vais y revenir un peu parce qu'il y existe trois grands styles de folk blues. Il y a le Texas, dont on a parlé tout à l'heure avec Blind Lemon Jefferson, ouais. Il y a le Mississippi blues, joué principalement à la slide guitare, et il y a ce blues de la côte est, issu du ragtime. C'est ça, issu du ragtime, c'est exactement ça. Voilà, qu'on appelle le Piedmont blues, du nom de la chaîne de montagne qui se trouve à l'est. C'est et c'est joué en finger picking. Alors, les rois de ce style-là, c'est le révérend Gary Davis, oui. C'est Sonny Terry, Bernie McGee, Blind Bob Fuller, tous ces gens-là qui jouaient un blues d'une manière très très technique en finger picking comme ça, c'est tout simplement sensationnel. Je ne sais pas ce que tu en penses, Muriel. Oui, c'est beau, mais le finger picking, c'est un genre de... C'est un style, c'est un style de jeu de guitare. C'est un voilà. style de jeu de guitare voilà, qui consiste à avoir un jeu très délié avec les mains très souples. Chaque avec une doigt, technique. J'imagine que ça... Chaque doigt participe au jeu de guitare, c'est ça. Et okay. voilà, on appelle ça le Piedmont Blues ou Blues de la côte est. Et j'imagine, sans être un grand guitariste, que ça demande une dextérité. Incroyable. Ouais, on l'entend là, puis j'ai bien envie d'écouter un deuxième morceau. Alors, allez. Je vous propose d'écouter La Plage 3, Teeny Town. If I had a way, I'd already be gone. Where there's only one season. There's nobody here to keep me at home, and there doesn't have to be a reason to leave this tiny town. I open my eyes for the first time, and I see the same thing again and again. Older I get weaker, the walls are closing in. There's nobody here to keep me at home, but there doesn't have to be a reason to leave this tiny town. Someplace out there for me. It's a place I won't know till I go and see. Do I like the confidence it takes to overcome the fear of the strange and unknown? Is this just how it's supposed to be, growing old in tiny town? There's nobody here to keep me at home. Don't have to be a reason this tiny town. Oh, yeah. Oui, quelle diversité. Ça fait plaisir de passer de Blind Lemon Jefferson à Corey Maureen. M-A-U-R-I-N. M-O-R-I-N. M-O-R-I-N et Carrie, C-A-R-E-Y. Ouais. Si vous voulez les choper ça sur Internet, les albums ne sont pas faciles à trouver. Voilà, c'est ça le problème, parce que voilà, je voulais finir avec ça. Il vient de sortir un album, donc ça c'est l'album de 2015, mais là il y en a un tout chaud, tout frais, qui s'appelle Pocket of Time, et qui est visiblement très apprécié de la critique, mais qui, comme tu le disais, était extrêmement difficile à trouver. Voilà. Les petites merveilles. C'est ça. On continue. Alors, pour finir aussi, j'espère pouvoir l'acquérir bientôt et revenir avec du Curry Marine sur les ondes du 89. On va s'y atteler, mon pote. On enchaîne tout de suite. Oui, bien sûr. Alors voilà, on se plaignait il n'y a pas très longtemps de ne plus avoir rien dans le casier, de ne plus avoir de nouveautés, mais voilà. On a eu une bonne nouvelle. Un groupe nous a contactés. Ce groupe, c'est Monsieur Bossaigne, qui sont de la région. Oui, oui, oui. Un trio de rock'n'roll garage. Un power trio, on peut dire. Oui, je connais bien l'ami Vedesh, qui jouait dans Blues Family, que j'avais vu dans un bar à Roche. Ah, qui a des antécédents. Voilà, Railroad Crossing. C'est pas un jeune groupe. Et l'album sort ces jours-ci. Je sais même pas si c'est pas aujourd'hui. Mais... Non, c'est le 6 mars. Exactement. Le 6 mars. On a eu la primeur d'avoir l'album en ligne avant tout le monde. Et ils sont le 7 mars au Roadhouse Blues, c'est à Dargoire, donc 8 à 10 euros, si vous payez avant c'est 8 euros, si vous payez sur place c'est 10, Dargoire c'est au-dessus de Rive-de-Gier, c'est ça hein, ouais, c'est ça ouais. Je suis pas... mais oui, je crois que c'est par là. Ouais. Le 7 mars à 19h30 et puis on va vous proposer... C'est dans les Monts du Lyonnais. On va vous proposer deux morceaux là. Ouais, on va écouter alors le titre du nouvel album. Peut-être préciser que c'est pas leur premier album hein, du tout. Hein. Ils ont des antécédents. C'est très énergique, hein, ça c'est ce qu'on peut dire. Ils abordent des thèmes classiques du rock and roll. Ils ont des looks bien rock. C'est un groupe de scène avant tout, hein, donc beaucoup d'énergie, je l'ai dit. Sens de la dérision. Et moi, ce qui me fait bien marrer, c'est leur emblème. C'était cette espèce de pin-up à six bras qui revient souvent dans la thématique de leurs chansons, apparemment. On écoute tout de suite le titre éponyme, Maharaja Boogie. We'll be right back. Ouais, Monsieur Bossen, sur un titre très rockabilly quand même. Hein. Ouais, voilà. À voir sur scène, c'est très, très énergique. Ah oui, je pense. Et puis, ils sont les bienvenus s'ils veulent faire une interview. Voilà, ils ont les coordonnées. Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas, Dave? Ouais, il n'y a pas de souci. On les reçoit pas quand ils veulent, hélas, mais on est en capacité de les recevoir pendant une émission. Et s'ils veulent venir parler de leur musique et aussi jouer en direct, ça aussi, c'est possible. Il n'y a pas de souci, on essaiera de se recontacter avec le groupe. Moi, je voulais simplement annoncer qu'ils vont passer dans le cadre du Sales Blues Festival en off au Blues and Bar. Et ça, c'est le mercredi 13 mars. Voilà. Alors, Sales Blues Festival. Ouais, cette année, une belle affiche. Hein. Une belle affiche. Ouais. Nina Attal qui explore le monde de Jimi Hendrix. Théo Charaf. Voilà. Et puis l'harmoniciste Charles Passy, donc, que j'avais déjà vu au Rhino Jazz, qui est très doué et qui a travaillé avec des grands du jazz américain, entre autres. Mais Sales Blues, on avait un partenariat pendant 10 ans. C'est des gens exceptionnels. Il faut y aller. Et on va essayer de les contacter pour avoir un petit partenariat, quelques places à faire gagner. Ouais, voilà, ce serait sympa. Et puis, nous, c'est le genre de festival qu'on affectionne ici. Hein. Ouais, très, très bons souvenirs. Ouais, il est passé de très, très bonnes choses à Sales. On repasse ce petit morceau de M. Bossaigne ? Bien sûr, bien sûr. Allez, je vous propose d'écouter All Along the Road. Thank you. Monsieur Bossaigne, donc, qui seront au Roadhouse Blues de Dargoir le 7 mars à 19h30, 8 ou 10 euros. J'ai d'autres petites dates, là. Devil Joe, qui sera à l'Orbital Saint-Etienne le 20 février. Deep Down, nos amis de Deep Down, comme Devil Joe d'ailleurs, c'est le samedi 28 février au Michelet, le Puy-en-Velay à 20h30. Et à savoir que via l'association France Blues, il y a une compilation blues au féminin qui va sortir, et qui, voilà, qui est prévue pour dans peu de temps. Là, c'est en pressage pour l'instant. Et il y a 16 groupes avec une chanteuse. 16 groupes avec une chanteuse, donc ça, c'est génial. C'est sur notre page d'ailleurs. Allez sur notre page, hein, elle est assez complète. Exact. Et puis, je voulais faire un coucou à Jonathan qui nous écoute, là. Donc, Jonathan fait pas mal d'émissions avec nous. Et, bonjour, Joe. Ouais, salut, Joe. Il travaille au théâtre du Gai Savoir à Lyon, dans le 6e. Alors, c'est une scène de spectacle émergent. Ça tourne pas mal. Donc, il a investi là-dedans et on connaît son investissement à Joe. Donc, voilà, théâtre du Gai Savoir, Lyon 6. Vous pouvez y aller. Vous dites que vous venez de la part de Boogie, vous aurez des passes gratos. On espère te revoir bientôt, Jonathan. Voilà, nous allons continuer maintenant avec Monsieur Guitar Blues, dont je parlais en tout début d'émission, Monsieur Joe Bonamassa, avec un live enregistré à Red Rock. Alors, je ne sais pas si tu vois le site Red Rock, David, c'est dans le Colorado. Et U2 avait enregistré un album en 1982. Ça me parle justement. Voilà. Oui. C'est un site naturel de pierres rouges, voilà, magnifiques. Avec des montagnes derrière la Seigne. Exactement, Colorado, quoi. C'est ça. Et Joe Bonamassa a enregistré un album en hommage à Muddy Waters à Howlin' Wolf dans ce théâtre. Et je vous propose deux extraits où il reprend ce qui sont un peu ses maîtres, hein, les grands du Chicago Blues, Muddy et Howlin'. On va envoyer les deux titres. Allez, Monsieur Joe Bonamassa, c'est beaucoup mieux en live que ce qu'il fait en studio. Personnellement, là, ça arrache tout. Thank you. but you know tears won't come down. Well, you know If you're getting everything you possess and don't need nothing, you don't have no right to worry about nothing. But when you ain't got nothing, then you got to worry about something. And that's why the blues come in. And Lord, first thing you say, you know, I don't have this. And I don't have that. And you look over there at these other people, and they got this and got that. Then in your heart, you feel like that you ain't nobody. You got the blues. That's why it's that. If you ain't got no money, you got the blues. Because you're thinking evil. That's right. Anytime you're thinking evil, you're thinking about the blues. Grab your telephone, something just ain't right. Live à Red Rocks dans le Colorado. My home is in the Delta de Muddy Waters. C'est Evil is going on avec une intro où il laisse Howlin' Wolf s'exprimer. Un petit enregistrement qui date d'il y a quelques années maintenant. Ouais, et très beaucoup plus agréable à écouter en live que. Oui, je sais que sur studio, c'est pas ton truc. Mais donc, il y a le double sur B.B. King qui vient avec énormément d'invités. On en parlera, on fera une émission spéciale. Il a toujours aimé rendre hommage à ses pairs. Il y a un album live aussi où il rend hommage à Jimmy Page, Jeff Beck, enfin tout le blues anglais. Okay. Il y a un autre disque où il rend hommage à Albert King et Freddie King. Et puis ce mec, c'est un geek. Hein. J'en parlais avec Laurent lundi à la maison. Ce mec, c'est un collectionneur de guitares de folie. On le voit souvent sur Internet où il explique, voilà, si vous voulez jouer du Hendrix, il faut prendre 7 vieilles amplis, 7 pédales d'effet. Vous la jouez comme ci, vous la jouez comme ça. Et il a créé un modèle signature avec un corps de Les Paul standard. Exact. Et un haut de Gibson Firebird, pardon. Ouais, dans les publicités de guitare, c'est souvent qu'on nous parle des signatures de M. Bonamassa. Voilà, il collectionne les guitares et c'est vrai qu'il est intarissable sur le sujet. On y reviendra, bien entendu, sur ce personnage. C'est un petit peu le roi des tributes aussi, hein, du coup. Comme oui, tu disais, voilà, il adore ça parce qu'il aime rendre hommage à tous les gens qui l'ont influencé. Exactement. Il a commencé dans les années 90, hein, grâce à B.B. King d'ailleurs, mais on y reviendra. Ok. Okay. On continue, ouais. Allez, quoi, c'est parti. Quelqu'un qui nous a donné de ses nouvelles et qui est venu ici, qui a joué, qu'on est allé voir jouer de partout. Je l'ai eu au téléphone cette semaine, ça a fait plaisir. Et voilà, ouais, tu vois de qui je veux parler. Jimmy Marna. Voilà, l'homme à la guitare et l'homme aussi à l'harmonica. Très bon harmoniciste. D'ailleurs, au téléphone, il m'a dit qu'il donnait des cours d'harmonica à des gamins pour se faire plaisir et qu'il a un duo harmonica. Harmonica guitare, il viendra nous voir donc. Et on est content d'avoir de ses nouvelles et on est content de savoir qu'il est toujours impliqué dans des projets musicaux. Ouais, toujours aussi passionné, l'ami Jim, on l'embrasse. Et il avait sorti un album, un tribute donc aux harmonicistes qui lui sont chers. Ouais, voilà. Tout à fait, qu'il avait sobrement intitulé Harmonicalement Vôtre. Il avait été chroniqué dans Blues Magazine, ça avait pas mal tourné à l'époque. Alors, Harmonicalement Blues. Quel imbécile. Je me suis fait piéger moi-même. Et on va écouter un titre de James Cotton qui est pour Jim un des harmonicistes les plus importants de l'histoire du blues. Ouais, sur ce petit album, quel titre il rendait hommage à tous les bons harmonicistes qui l'ont inspiré. Et puis il joue avec Puig, avec Youssef Manar, des grands messieurs du blues stéphanois. C'est ça carrément, ouais, des figures de la scène locale comme on dit. Quel morceau as-tu choisi, David? Who Told You, James Cotton. Because of your show. Who told you that I was cheeky last night? Whoever ever, baby, put the thief out down. We'll be right back. some people's always talking, the fit or say obey, a lot to fall a job in a song with the man. Who told you I smoked chicken last night? Whoever told you, baby, get the pit outside. Ouais, Jimmy, parmi nous. Bravo, Jim. On te fait des bises et on t'attend dans le studio. Exact. 22h14 sur le 895, ça va très très vite. Vous savez que j'aime à vous parler d'un bouquin toutes les deux semaines, parce que je suis un réel passionné, c'est pas pour vous en mettre plein la vue, hein. Mais je suis tombé dans la malle au trésor sur le bouquin de Leroy Jones, Le peuple du blues, la musique noire dans l'Amérique blanche. Alors il se trouve que j'ai l'édition originale de 1968, et Leroy Jones était connu aussi comme chanteur, musicien. Il se faisait appelé Amiri Baraka, donc à l'époque où il y avait toute cette contestation et les droits pour les Noirs américains. Et ce bouquin, c'est d'abord comment un esclave noir américain peut devenir un citoyen noir. Un esclave noir africain, pardon, peut devenir un citoyen noir américain. Le sujet, c'est la ségrégation, mais en 1968. Non, ça commence avec les premiers esclaves qui arrivent aux États-Unis, donc. Et c'est une étude sociale, historique et musicale sur ce qui a fait le blues, le jazz, la migration vers les grandes villes. C'est très, très facile à lire. Et puis, ce personnage était un érudit. Il est dramaturge. Il avait eu quelques prix pour ses pièces de théâtre. Et on apprend énormément, énormément de choses. Même s'il n'y a pas de grandes références discographiques, il explique les styles vocaux. Le bop, du swing au bop, des chants de travail au blues urbain. Voilà, c'est une étude sociale, je le dis bien, historique, sur l'histoire des esclaves noirs africains qui deviennent au fil du temps, et ça n'a pas été facile, des citoyens noirs américains. Leroy Jones, Le peuple du blues, la musique noire dans l'Amérique blanche, collection Témoins, Gallimard. Ça a été réédité plein de fois, donc on trouve facilement livre de poche, par exemple. C'est ni plus ni moins aussi l'histoire du blues américain. Oui, du peuple. Du peuple. Le peuple blues, c'est ça. Peuple blues qui était le peuple noir au départ. Pour vous donner une idée, ce personnage, Leroy Jones, est né en 1934 dans le New Jersey. Il est professeur, critique, poète, dramaturge. Le Métro Fantôme, qui a obtenu le prix du New York Times en 1964. Lobby Award, une récompense décernée à la meilleure pièce de l'année. Ainsi que L'Esclave ont été créés à Paris en 1965 au théâtre de Poche Montparnasse dans une adaptation d'Éric Kahan et une mise en scène d'Antoine Bourseiller. C'est vraiment un personnage très très important et qui sait de quoi il parle. C'est jamais redondant, c'est jamais prétentieux. N'importe qui peut se jeter dans ce bouquin et comprendre un peu tout ce qui a fait l'histoire de ce peuple-là. C'est vraiment un bouquin essentiel quand on aime la musique noire américaine. Est-ce que c'est un bouquin qui a été réédité récemment ou... Oui, je l'ai dit, ça a été réédité plein de fois. Qu'on peut trouver donc facilement. Vous le commandez, Le peuple blues par Leroy Jones. Le peuple blues, je ne manquerai pas d'acquérir cet ouvrage. Alors vous savez que le blues se joue dans les juke joints, se joue dans les clubs de Chicago, et il se trouve que là aussi, dans la Malle au Trésor, j'ai retrouvé deux compilations où le blues bat sur le dance floor, avec deux compiles qui s'appellent les Blues Beat Sessions, où des DJ mêlent blues et électro, et on va faire un petit mix comme ça d'un quart d'heure, ça nous permettra de boire une ou deux binous, quoi, parce qu'on parle beaucoup. On parle beaucoup trop, probablement. Un autre aspect de la musique blues, via ces deux compilations qui s'appelaient Blues Beat Sessions, volume 1 et volume 2, énormément de DJ, sample des vieux morceaux, balance de l'électro dessus. Écoutez, c'est du plaisir à l'état pur. Les puristes vont gueuler, mais on les emmerde. Let's go! Yeah. Your daddy's rich. And your mama's good looking. So you hush, little baby. Oh, baby, don't you cry. One of these mornings, you gonna rise up singing. It's summertime, and living is easy. music so well. And she tell me, woman, I'm going uptown now. And I don't want you fooling with these guitars when I'm gone. Rapping on like that. And mama give me a whooping, a good one. Didn't I tell you if I left you, don't fool them guitars? A fella named Charlie Williams used to come by, he was a guitar player. She lived down by the railroad track. Well, not a more you cry, pretty woman now. She lived down by the railroad track. Well, not a more you cry, pretty woman now. For they drive me away. Drive me away. For they drive me away. You drive me away. Well, I know my baby. When that train roll up and now I come walking out. Oh yeah. Now look at you, mama. Oh yeah. Down the road I go. Baby, don't you hear me calling you? In this world to get along with you. I try so hard. Down the road I go. To walk the water. Enough. I know it's all been good to me. I know it's all been good to me. And I ain't scared of nothing because the law been good to me. I caught him so strong, baby, dead and gone. for you to catch that ace of deuce. I just want to meet some of you gambling men. Let him make a fool out of him, he won't have nothing to take your wife and die. been writing this letter all the time I've been away. It's written like a diary, describes every single day. Tells you all about the places and the people that I've seen, how I've sampled local culture and various cuisines. What it doesn't say is vital, what it doesn't say is true. I'm lonely when I'm out here, and all I want is you. All I want is you. On a personal basis, I arrived here in 73, like a one-man oasis. First come with them first served faces. The age of 11, I wore crazy laces. The looks on people's faces, no cases, the dry disgraces, the hip-hop aces. I took a trip to foreign places, and I arrive in utopia. I'm feeling a bit robia, sobia. Cleaner for my visions and derisions. Multiplied premiership, long divisions and season. High treason, boss pleasing. Squeezing the disease from the fat companies that didn't say yes please. And they said, where's your manners? I said, watch your step, because my temper's like banners. Broken Spanish, short bitches like hammers. Drinking tequila in a slammer. Bam, bam, thank you mamas. Check out my naughty grammar. Devoid of a stammer. Kidnap the Dalai Lama. Then I rob the little fella of his karma. Just another drama. I rally like banana. The ladies see my strokes. I reminisce in a nirvana. Like I wrote the Karma Sutra. Suits you, sir, me, sir. Racks the zoot, suits sir. Bien sûr, Boogie 89.5 Radio Audio le mercredi de 21h à 23h, 23h30. Il y avait matière à en douter là. Avec deux volumes des Blues Beat Sessions, donc une sélection par Alex Van Looy. Et au milieu, eh ben, ce qui est bien, c'est si vous réécoutez le podcast, essayez de retrouver toutes les voix qui sont mixées là, de All-in Wolf à Muddy ouais, Waters. Sacré boulot. Hein. Et la compile est présentée en disant c'est pour ceux qui aiment danser mais qui n'aiment pas le blues. Ou pour ceux qui aiment le blues mais qui n'aiment pas danser. C'est ça. Et c'est très très bien fait par tous ces DJ, je ne vais pas les citer. Et au milieu de tout ça, on retrouve des bluesmen qui ont toujours mis des petites choses dans leur musique, autres que le blues. Ont toujours essayé d'expérimenter. Comme R.L. Burnside, par exemple. Chris Thomas King ou Otis Taylor, qui sont perdus au milieu des playlists comme ça. Voilà. Vraiment très éclectique et pour une fois qu'on passe du sample et du bon. Allez, retour à Détroit. Detroit. Ouais, Detroit, Michigan, je crois que c'est ça, ouais. Et avec du blues garage, un groupe qu'on avait vu avec Laurence et John à Saint-Étienne, c'est les Soledad Brothers, des potes des White Stripes. Alors, un saxophoniste, deux guitares, il n'y a pas de basse, il n'y a pas de... on va revenir au pur et au dur, avec une chanson qui s'appelle Going Down to Memphis, donc les Soledad Brothers. Garage de chez Garage. Ouais, Garage Blues, le vrai. On avait pu discuter, c'est des mecs super sympas et qui vivent le blues à 200% avec une énergie qui dévaste tout. Allez, on y va, Véro, c'est parti. Anybody good? Soledad Brothers dans Boogie. Et Muriel qui pète les plombs. Ouais, c'est bien que tu sois revenu, Muriel. Ça nous fait très plaisir. Surtout qu'on va. Qui dansait dans le studio comme Véro, d'ailleurs aussi. Ouais. Les Soledad, donc, c'est pas deux guitares. Hein. C'est une guitare, une batterie et un sax. Ouais. Et le sax, des fois, part en free, tu vois. Free jazz, là, j'adore la formule, ça. La formule très simplifiée. Ouais, j'adore ça. Puis, ouais, c'est des grands potes à Jack White. Ils sont tous, ils sont originaires de Détroit. Et ce concert à Saint-Etienne était fabuleux. Soledad Brothers en live. Donc, c'est un label ultra indépendant. C'était démerdez-vous. C'était en quelle année? le concert. Oh, c'était il y a une quinzaine d'années. Puisqu'avec eux, on avait parlé de ce qu'était devenu Détroit, et notamment le quartier de Hastings Street, qui est le quartier emblématique du blues à Chicago. Et ils nous avaient dit que tout avait été détruit, que maintenant c'est des highways ou des magasins pour riches, quoi. Et on avait parlé un peu de ça. Ils étaient un peu déçus qu'on n'utilise pas tous ces grands quartiers, ces grandes villes du blues pour la mémoire, en fait. Ils ont tout cassé, puis ils ont reconstruit derrière. Ouais. Alors, on avait eu une discussion très, très intéressante, mais bon, c'était les Soledad Brothers. Il est 22h53 et on continue, on se lâche un peu, voilà. On continue, peut-être un petit clin d'œil à notre prochain invité. Ce sera dans 15 jours, nous serons le 4 mars. Ah ouais, on l'attend avec impatience. On recevra Didou de FM43, voilà, qui a plein de choses à nous raconter sur son expérience radiophonique, sur son voyage aux States. Surtout qu'il a été dans le Sud, donc il y aura pas mal de bons scuds, je pense. Aussi sur sa carrière de chanteur et de passionné de blues et de musique rock, voilà. Salut Cédric, on t'attend avec impatience. Voilà. On lui fait une belle petite place pour le mercredi 4 mars dans Boogie. Moi, je vais sortir du blues carrément. Hein. Ça y est. En fin d'émission, c'est une tradition. C'est un rituel, oui. D'habitude, c'est toi. C'est moi qui m'y colle. Muriel, elle a choisi deux titres aussi. Ouais. C'est du métal, c'est du heavy, ça vient de Toulouse. C'est un groupe qui existe depuis 1995. Ils ont que 6 albums à leur compteur parce qu'ils font partie de multiples projets hard, heavy et autres. Je remarque que dans ce sud-ouest, entre un triangle qui ferait Montpellier, Toulouse et Bordeaux, il y a pléthore de groupes de blues, de rock et aussi de hard rock, et que vraiment c'est une région de France où ça bouge beaucoup. Ouais. Un petit clin d'œil au groupe Fly on the Tox. Fly on the Tox, voilà. Qui était de Toulouse, je crois. Hein. Et là, le groupe, je ne vous ai pas dit son nom, c'est Psycut. Voilà. J'ai découvert ça. Je remercie Gilles de Forum de m'avoir fait découvrir ça et filer l'album. C'est leur quatrième album, je crois, qui s'appelle tout simplement Control plus Alt plus Fuck. Tout un programme. C'est un clavier informatique. Et on va écouter le titre qui déchire pas mal l'album, Violent Brazilian Message. Ai, que coisa! Jump! Yeah, oh, c'était yes. Psy Cut dans Boogie. Ça change un peu. Déménage. Les oreilles, c'est comme les parapluies. Elles ne fonctionnent que lorsqu'elles sont ouvertes. Voilà. Voilà. Petite découverte de ce groupe toulousain. Voilà. On en repassera certainement. Ouais. La bonne tranche de métal. Pour nettoyer les oreilles. Oui. Il est 23h, voilà. 1h55 de blues et puis on se lâche un petit peu quoi. Voilà. Et Muriel, tu nous as choisi deux titres. Oui, alors le premier titre, c'est une femme, une auteure-compositrice qui est franco-israélienne et qui s'appelle Yael Naïm. Elle sort un album là en février. Ouais. Donc son dernier album, c'est Solaire. Et le morceau que j'ai choisi, c'est La fille pas cool. Yael voilà. Naïm, pour terminer l'émission avec les deux morceaux de Muriel. Eh ben, on y va, Vérou. Go. Je suis pas la fille qui ose. Je suis pas la fille qui pose. Pas la fille qui fait rire. Pas de grandes choses à dire. Pas la fille à la mode. Jamais compris les causes. Pas vraiment de conviction, quelques bêtes addictions. Pas comme ça, un peu folle. Pas du tout une idole. Pas une briseuse de cœur. J'avais trop souvent peur. Pas une grande sportive. Pas vraiment combative. Voilà tout ce que je ne suis pas. Alors moi je suis quoi? Je suis la fille peu cool. Mais pas trop. J'sais sauter mais pas haut. Assoiffé mais pas tôt. À confondre et au faux. Toujours chercher ma place. Entre banal et trop classe. Au milieu quelque part. J'me rends compte tôt ou tard. Je fuyais les fous. Oui, l'album Solaire. Bah, je trouve que la chanson correspond bien au futur album. Oui, il sort en ce mois-là. D'accord. Tu connais le label, non? Enfin, on trouve facilement. Non, oui, ouais. On trouve facilement, hein, mais le label, désolé, je ne l'ai pas. D'accord, mais pas, je pense que c'est sur une grosse maison de disques. Oui, je pense. En même temps, il n'en reste pas des tonnes. Et on continue avec le dernier morceau de l'émission, il est 23h05, et un musicien extraordinaire. Asaf Avidan. Voilà, donc multi-instrumentiste, voilà. Oui. Israélien aussi, je crois. Israélien, hein. Oui. Personnage que j'aime beaucoup. Et tu as deux, trois choses à nous dire, Marielle? Non, c'est un live à Athènes en 2023. Il était passé il y a quelques années dans le cadre du festival Parole et Musique à Saint-Étienne. Ah oui. Oui. D'accord, super. De mémoire. Eh ben, ouais. C'est un bon choix alors. Donc le titre c'est Green and Blue. Et puis avant ce morceau, on va vous souhaiter une bonne soirée, les amis. Oui. Ouais. Voilà, Boogie se termine. Merci Boogie David. Termine. Merci à vous tous. Merci à vous. Tous. Merci Véro qui assure grave de chez Grave en régie. Ah ouais. Attention, technicienne de ouf. Attention Véronique. Hein. Rendez-vous mercredi 4 mars à 21h. Et merci Muriel de nous avoir. Bon, on s'est retrouvés ce soir, ça fait plaisir. On termine avec Asaf Avidan, 89.5. www.radiodio.org. Boogie. Et dans deux semaines, on retrouve l'ami Cédric. C'est ça. Bonne soirée les amis. À bientôt. Bye bye. It's one of those shows that I think we have the better view. Although I am very handsome today, I worked hard for it. Try my best in this old age. Love was getting out of hand. You said your house was just a robber bank. You can't stretch it in a mile. You put your arms across your chest. You hit your body to protest. And you dived into the fire. Here and there, boy, I got a big place. I said, baby, I don't mean to take away the things you seen, but honey, I can travel space. You said I'd love to sing this tune. But all of this is all too soon. Fuzzy gotta teach me how to sing. You put your arms on both your sides, showing me where God resides. And you dived into the flower again. Song worth singing.